Chapitre 5e, 3 juin. Grande nouvelle, nous sommes invités pour dimanche à dîner aux Ormes. Toute la maison est en l'air. Maman a passé en revue ses dentelles et est sortie de leur écrin ses boucles d'oreilles en perles noires. Il y a eu conférence entre elle et notre vieille bonne Martha sur la question de savoir si je dois me mettre en redingote ou simplement en jaquette. La redingote est plus convenable, mais d'une correction un peu cérémonieuse. Et maman craint que cela ne me donne l'air prétendant, chose qu'il faut éviter à tout prix. Martha tient pour la jaquette, qui m'amincit, paraît-il, et qui est plus campagne. Me voilà fort perplexe. Jean, qui a la manie de donner des avis, qu'on ne lui demande pas, se déclare partisan de l'habit, et le juge bien plus distingué. Serais-je prétendant, campagne ou distingué? Décidément, Jean est une vieille bête. J'irai en redingote. Mais pourvu, mon Dieu, que je ne sois pas ridicule, comme je l'étais l'autre jour, sans doute, au presbytère. Ce dîner me fait peur. Je m'aperçois que je ne sais rien du monde, et pour la première fois, je souffre de cette ignorance dont je tirais naguère encore une assez sotte fierté. Aussi, pourquoi suis-je amoureux? Et, circonstance aggravante, amoureux d'une mondaine. N'est-ce pas d'une petite provinciale timide, sage et sachant faire les crêpes plutôt que de cette brillante parisienne, qu'il eût été raisonnable de m'éprendre, peut-être. Mais ce n'est pas d'hier que le sentiment et la logique passent pour ne point faire très bon ménage ensemble. S'il n'y a que moi pour les réconcilier, la brouille n'est pas près de finir. Dimanche soir, 11 heures. Quelque illusion me leurre, sans doute, et pourtant non. Il n'est pas possible que je sois seulement la dupe de mon espérance. Un instinct secret, plus fort que tous les raisonnements, me dit que je ne me trompe pas et que cette soirée qui s'achève marquera dans ma vie. Nous sommes arrivés aux Ormes un peu avant l'heure du dîner. On nous a introduits dans le salon. En s'approchant d'une des fenêtres qui était entr'ouverte, j'ai entendu un bruit de voix paraissant venir de l'étage supérieur. L'une des voix, que j'ai reconnue aussitôt pour être celle de Madame le couturier, disait d'un ton passablement aigre « Je suppose que vous n'aurez pas à faire contre celui-là les mêmes objections que contre les autres. » Alors, a répondu une grosse voix d'homme assez commune, « C'est que vous aurez eu cette fois la main plus heureuse que précédemment. » J'ai eu un violent battement de cœur. J'ai fait quelques pas dans le salon car il me semblait indélicat de surprendre ainsi le secret des aménités conjugales qu'échangeaient là-haut monsieur et madame le couturier. Mais le peu que je venais d'entendre m'avait si fort intéressé que je n'ai pu résister à la tentation d'écouter la suite. Je me suis rapproché de la fenêtre, tandis que maman feuilletait une revue à l'autre bout du salon. Le dialogue continuait. « Ce jeune comte était fort bien, vous dis-je. » « Oui, sauf qu'il lui manquait du cheveu et de la dent. » Joli cadeau à faire à ma fille que cette épave de vie parisienne. Et le lieutenant de dragon? Il était si distingué. Distingué mais alcoolique. Ce détail avait échappé à votre sollicitude maternelle. Le comte aurait mangé la dot de Claire, lui l'aurait bu. Oh, je sais bien qu'il suffit que quelqu'un me plaise. Enfin, me direz-vous pourquoi M. Marchand ne vous a pas convenu? Il n'était pas noble, lui. Un nom aussi roturier que le vôtre. Marchand? Le petit monsieur en bois que vous êtes allé dénicher au concours hippique. Vous n'avez donc pas remarqué qu'il est bête, bête à manger le foin de son écurie? Faites-en un entraîneur, un jockey, un groom, tout ce que vous voudrez dans l'ordre des choses chevalines, mais non pas un mari pour Claire. Si celui que vous avez à me montrer ce soir ressemble à ces trois-là, ce n'était pas la peine de me faire venir. Sur ce, une fenêtre en haut s'est fermée et je n'ai plus rien entendu. Ainsi, ce dîner n'était qu'un prétexte pour me montrer à M. le couturier, comme on lui avait déjà montré les autres. Donc, ces dames, la mère à tout le moins, m'avaient fait l'honneur de penser à moi. Et ma candidature, aux joies, avant d'être officiellement posée, semblait être de celle qui mérite examen. Oui, mais l'homme à la grosse voix, le terrible homme qui venait de draper les autres d'une si belle sorte. Pauvre hôte, quelle exécution sommaire! Et je sentais un petit frisson me courir de la tête aux pieds, à la pensée de comparaître bientôt devant lui. Certes, me disais-je, du cheveu et de la dent j'en ai. Alcoolique je ne le suis point, bête non plus. Mais qui me prouve que le jeune comte, le lieutenant de dragon et le petit monsieur en bois soient réellement affligés du vice rédhibitoire que je viens d'entendre imputer à chacun d'eux? Que ne m'a-t-il pas trouvé à dire sur moi, hélas? Comme je me regardais furtivement à la glace afin de constater si la conformation de mes épaules ne pouvait pas, d'aventure, prêter matière à l'accusation d'avoir une bosse dans le dos, la porte s'est ouverte et j'ai eu, en voyant paraître mon juge, quelque chose du sentiment qu'on doit éprouver sur le banc des accusés, lorsque l'huissier de service aux assises dit « Messieurs, la cour !» Heureusement, le courage des peureux ne m'a pas fait défaut en cette occurrence, et j'ai supporté d'autant plus vaillamment le premier choc que j'étais au fond plus intimidé. Il est entré comme une trombe, a salué ma mère sans mot dire, puis il a marché, ou plutôt chargé, droit sur moi. J'ai vu qu'il venait me prendre à la gorge. À deux pas, il s'est arrêté net, a mis son lorgnon, m'a enveloppé d'un regard, comment dirais-je, un regard de conseil de révision. Puis, au moment où je commençais à me demander s'il n'était pas d'une bonne politique de bomber la poitrine et de faire « ahem » pour donner une preuve de l'état satisfaisant de mes poumons, il a jeté brusquement un « bonjour, monsieur », tout à fait dépourvu d'intonation hospitalière, et m'a tourné le dos. Ce dos est large et rond. Un col court le surmonte, fût de colonnes massives qui supportent la tête à la façon d'une grosse boule posée sur un tambour. La face est comme le dos, ronde et large, légèrement congestionné et riche, à ce qu'il semble, en éléments d'apoplexie. Monsieur et madame le couturier forment un couple étonnamment géométrique. L'angle prédomine chez la femme, la circonférence chez le mari. Ces deux figures ayant, s'il me souvient bien de mes classes de mathématiques, peu de sympathie l'une pour l'autre. Voilà sans doute qui explique pourquoi le père et la mère de Claire ont fait mauvais ménage. Ce gros homme, tout en largeur et en rotondité, court de bras et court de cuisses comme il l'est de col, ce gros homme, de qui les jambes même s'arquent en cercle de tonneau, a d'ailleurs de fort beaux yeux bleus, au regard clair, vif et pénétrant, où je retrouve quelque chose de cette limpidité cristalline qui n'est pas le moindre charme de sa charmante fille. J'étais à peine remis de la surprise que m'avait causée la façon si particulière qu'a monsieur le couturier de prononcer les mots « bonjour, monsieur », d'un ton rageur et comminatoire, quand mademoiselle Claire a fait son apparition dans le salon. Ah, la jolie ligne qu'elle a, et combien peu géométrique. Une ligne qui n'est jamais, comme chez la mère, le plus court chemin d'un point à un autre, ou le plus long, comme chez le père. Une ligne délicieusement onduleuse, où les reliefs et leurs contraires s'adoucissent et se fondent en une divine harmonie de contours, une ligne. Comme la langue est pauvre, lorsqu'il s'agit d'exprimer la suavité des sensations que donne aux yeux le spectacle d'une forme parfaite. Et son « bonjour, monsieur », qu'il avait d'accueillance et de grâce, comme il a coulé doucement dans mes oreilles, encore blessé du grognement de ce sanglier. Le dîner fini, nous sommes revenus au salon. Claire s'est emparée d'un journal et j'ai vu, non sans surprise, qu'elle lisait attentivement les cours de la bourse. « Ah, mon Dieu, » pensais-je, « est-ce que ce père, qui lui a déjà appris les échecs, se serait aussi chargé de lui donner des lumières spéciales sur le 30-0 ?» Je me trompais. Le gros homme est innocent. C'est madame le couturier elle-même qui a fait l'éducation financière de sa fille. « Dis donc, maman, » dit Claire tout à coup, « tu as eu tort de me conseiller d'acheter des tramways d'Andrinople. 20 francs de baisse. » Je lui ai demandé en souriant si elle jouait à la bourse. Elle m'a répondu le plus tranquillement du monde qu'elle ne jouait pas, mais que sa mère, étant fort entendue en affaires, elle lui demandait conseil pour faire, de temps en temps, un petit placement sur ses économies de jeune fille. Cela m'a rendu rêveur. Pourquoi diable économiser quand on est si riche? Je n'en ai jamais fait, moi, d'économie. Quand j'ai quelques sous d'avance, j'achète des estampes sur les quais, des photographies, des bibelots inutiles, dont j'encombre ma chambre. Ou bien je donne à l'abbé pour les pauvres du pays. Le peu d'argent que j'ai s'en va ainsi, je ne sais où. Il serait bien plus sage de mettre, comme elle, quelque chose de côté. Décidément, elle est pleine de raison, mademoiselle Claire, et je ne suis qu'un fou. Voilà ce que je me disais, avec une certaine mélancolie, tandis que madame le couturier engageait une délibération sur les tramways d'Andrinople avec son mari et sa fille. J'ai appris que les tramways d'Andrinople, quoique valeur à turban, était une valeur d'avenir. C'est un ami de la famille, c'est M. Blum qui l'affirme, et M. Blum ne se trompe jamais. « Qui est ce M. Blum ? » ai-je demandé ingénument. « Blum du guano !» m'a répondu Claire avec une nuance de compassion. « Blum du guano. » Comme on dit Godefroy de Bouillon ou Bernardin de Saint-Pierre. C'est pourtant vrai que je ne connaissais pas les titres de noblesse de M. Blum. Je suis impardonnable. Blum du guano. Quelle étonnante aristocratie se prépare pour le XXe siècle. Ce doit être aussi l'avis de maman, qui a souri en m'entendant faire cette remarque. Alors on s'est mis à causer noblesse. M. le couturier n'a point dissimulé qu'il jugeait l'existence d'une caste privilégiée incompatible avec les tendances de l'esprit moderne. Je lui ai répondu que la science pourtant n'est rien moins qu'égalitaire, et j'ai essayé de prouver, en m'appuyant sur les théories de Darwin, que la nature travaille sans cesse à constituer des aristocraties parmi les êtres. Il a ouvert de grands yeux, et m'a dit avec un commencement de considération « Vous vous occupez donc de science, monsieur. » Tandis que maman se mettait à entretenir négligemment ces dames de ma tante de Ragincourt, qui est chanoinesse de l'ordre de Sainte-Thérèse de Bavière, un ordre tout ce qu'il y a de plus noble, dont chaque membre doit être pourvu de je ne sais combien de quartiers, nous avons entamé, monsieur le couturier et moi, un dialogue scientifico-philosophique au cours duquel je crois avoir acquis une connaissance assez précise de ce poussa. Il s'en faut de beaucoup que monsieur le couturier soit un sot. Il a de l'intelligence, mais cette intelligence est courte, parce qu'elle s'est toujours appliquée aux mêmes objets. Toutes les fenêtres de cet esprit s'ouvrent sur un seul point de l'horizon. Est-ce vraiment intelligent que de n'avoir pas même quelques pauvres petits jours de souffrance sur le reste, alors que le monde est si vaste? Sa culture est uniquement scientifique. Il fait profession de dédaigner la littérature et l'art, ce qui, au fond, n'est pas moins niais que d'affecter, comme certains, un scepticisme ironique à l'égard de la science. Des problèmes de tout ordre que la littérature agite, des jouissances délicates que l'art donne, M. le couturier n'a cure. Il sort de l'école polytechnique et ne connaît que les faits. Il aime les faits, il ne croit qu'aux faits, il ne respecte que, sans voir, qu'ils sont seulement la vile matière dont on fabrique les idées, et qu'ils ne cessent d'être méprisables que le jour où on en a tiré d'eux précisément ce qu'ils renferment d'immatériel. J'ai remarqué trois formules qui reviennent à chaque instant sur nos lèvres et qui révèlent assez bien le tour méthodique de son esprit. Procédons avec ordre. Je n'ai pas de raison suffisante pour... Avez-vous des données précises sur... Avec lui... Toute causerie doit avoir un développement logique comme la marche d'un théorème. Il ne souffre pas qu'on s'en écarte. Si l'on s'égare, ainsi qu'il est si charmant de le faire, à la poursuite des idées qui papillonnent autour de vous quand on cause, il vous ramène aussitôt dans le droit chemin avec un impérieux « Ne perdons pas de vue le sujet de notre entretien. » Je n'ai pas eu de peine à m'apercevoir qu'il m'étudiait, tout en me faisant parler. Je ne sais quelle inspiration m'a révélé que j'avais affaire à quelqu'un de légèrement maniaque et de presser, voyant assez juste en général, mais voyant gros, habitué à toiser et à jauger un homme en deux temps, convaincu qu'il n'est pas plus difficile de faire le tour d'un être moral que d'estimer à vue d'œil la superficie d'un champ de betteraves. Et je me suis prêté héroïquement aux investigations sommaires de cette psychologie d'ingénieur, qui me semble être redoutable, non pas à cause de sa perspicacité, bien entendu, mais à cause des énormes méprises dont je la crois capable. En somme, je crois n'avoir pas lieu d'être mécontent de l'examen que je viens de passer. Vers 10 heures, nous sommes partis, et maintenant je suis dans ma chambre en face de ma lampe dont la mèche commence à charbonner, et des feuilles de ce journal que je viens de noircir. 1 heure, je ne sais laquelle, car n'ayant point le goût de procéder avec ordre, j'ai oublié de remonter ma montre. 1 heure sonne au clocher d'un village. Le tintement des coulants se propage au loin avec une douceur triste dans la sonorité de la nuit. Il n'y a presque pas d'étoiles au ciel. Un gros nuage cache celle dont j'aime à voir, de ma fenêtre. La lueur scintillante dansait comme un feu follet dans la pièce d'eau. Le parc est tout noir. Jamais je n'ai senti mieux que ce soir la profonde mélancolie des lieux où je vis. Mais cette tristesse des choses est impuissante à réveiller en moi les sombres idées d'autrefois. Ennui, désespérance... Dégoût et lassitude de vivre, tous ces brouillards de spleen qui enténébraient mon âme se sont dissipés devant l'amour, comme les vapeurs du matin quand paraît le soleil. Des profondeurs de mon être régénéré monte une chanson claire et joyeuse, pareille à ces premiers chants du coq qui déjà commencent à percer le silence et que j'entends çà et là saluer d'une fanfare éclatante l'aube encore invisible. « Je suis, m'a dit avec fierté le père de Claire, au cours de notre conversation de l'autre jour, je suis positiviste. »« Oui, ai-je répondu, c'est-à-dire que vous attendez, pour vous permettre de croire à Dieu et à l'âme, qu'une communication a été faite à l'Académie des sciences sur ces objets. » Le positivisme, en effet, convient bien aux esprits trois et rectilignes, que déforme, sous couleur de les former, la culture polytechnicienne. Qu'on soit matérialiste ou athée, j'y consens. Il y a dans le matérialisme comme dans l'athéisme quelque chose de sombre mais de hardi, une sorte de poésie noire, de l'idéalisme à rebours, si l'on peut dire, un acte de foi de l'esprit en quelque chose qu'il ignore, c'est vrai, mais au moins un effort pour secouer le poids de l'inconnaissable qui l'oppresse, pour affirmer et pour croire. Cette affirmation fut-elle aussi peu fondée en raison que les autres et cette croyance fut-elle désespérante, mais positiviste? J'ai horreur, moi, de cette pédante et égoïste doctrine, de cette philosophie de contremaître, qui se désintéresse lâchement de tous les nobles problèmes et dont la circonspection ne plaît si fort à tant de bourgeois frottés d'un peu de science que parce qu'elle flatte l'instinct de platitude qui est en eux. Que je plains cette jeune fille d'avoir été mise à une pareille école. Il me semble que dans mon amour pour elle entre maintenant un peu de pitié, et que je serai soutenu dans ma tâche par la conscience d'accomplir une sorte de sauvetage, s'il m'était donné un jour de travailler à la rédemption de cette pauvre âme, desséchée sans doute par les tristes enseignements qu'elle a reçus.